Bienvenue à Web Musique, c'est Simon Roy en votre compagnie, avec vous encore pour la prochaine heure. Donc, je vous propose, comme à l'habitude, plein de bonnes musiques gratuites que je vous ai dénichées sur Internet. Si les pièces vous intéressent, ben, je vous invite à aller sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Vous avez les liens pour télécharger les pièces. Vous avez aussi les liens pour en savoir un peu plus à propos des artistes. J'ai tendance à laisser beaucoup de place à la musique. Je vous en dis pas très très long sur les artistes, donc je vous invite à venir faire un tour sur le site pour en savoir plus. On va débuter avec un artiste qui a lancé un album sur l'excellente étiquette Fresh Pulp Records. C'est sorti cette semaine. L'artiste s'appelle Guitou. Il vient de Nancy, en France. Je vous fais entendre sa pièce Dougie and the Style. C'est featuring Pitbull de Sexy Dog. Vous allez voir une pièce dub assez planante. Ensuite de ça, on va aller du côté de l'Italie avec un artiste qui s'appelle Manuel Azzeni. Je vous fais entendre deux pièces sur son album de Miyazaki Tour EP. Donc, la première pièce s'appelle Bonas Sissi. Et ensuite de ça, je vous fais entendre la pièce Ouch the Couch. C'est featuring Franco Crudo. Donc, on débute tout de suite Web Music avec une pièce de Guitou. Time is. Time was. Time's past. Thank you. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce a very interesting young man who's traveled from very far away to be with us tonight. Ladies and gentlemen! I'm a man of respect around here. They love me around here. I'm a swell guy. You're a lying sack of shit. And everybody knows it. Goodbye. Thank you. performance de scratch quand même assez incroyable par l'artiste colombien Joed Klim. C'est sa pièce Rustic, la pièce Ouch the Couch featuring Franco Crudo. C'est par Manuel At Zeni. Puis avant ça, il y avait la pièce, sa pièce Bonassi. Si. Donc c'est sur l'album de Miyazaki Tour EP. Un excellent album. Puis on avait débuté Web Music avec une pièce de Gitu qui est sur l'étiquette Fresh Pulp Records. Sa pièce s'appelle Doggy and Style featuring Pitbull de Sexy Dog. Donc pour poursuivre Web Music, je vais vous faire écouter un artiste qui est sur l'étiquette, Astor Bell, une étiquette qui vient de Stockholm en Suède. Je vous fais entendre un type quand même assez étrange qui s'appelle First Dude. Je vous fais entendre sa pièce. C'est Joed Klim que je vais vous faire entendre. C'est la pièce Rustic Swing. Donc, c'est sur l'étiquette Monophonicos. C'est une étiquette qui vient de la Colombie, de la ville de Medellin plus précisément. Donc, je vous invite à écouter cette pièce-là. C'est un mélange un peu de boom-boom et de swing. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Puis ensuite de ça, là, c'est vrai, on va entendre First Dude, un type vraiment étrange qui vient d'Angleterre, mais qui vit probablement à New York. Même leur label le savent pas trop. Je vous fais entendre sa pièce « It's an Italian ». Puis ensuite de ça, je vais vous faire entendre Bubble Shield, qui est le fondateur de l'étiquette Astor Bell. Donc, je vous fais entendre sa pièce Speculation. On débute tout de suite avec Joed Klim. We'll be right back. Voici quelle doit être la prière de chaque jour. Portez un regard sur Québec. Parlez de l'aspect communautaire, politique, environnemental. Ici Raymond Poirier. De quoi parlez-vous? Parlez des dossiers chauds et des grandes questions. Mais on ne demande pas mon avis. Bref, dressez une revue de presse critique, analytique. Le tout saupoudré de culture, de musique, de dégustation. Il n'y a pas de barrière. Vous le dites très bien. Avant 9h, tout est possible. Du lundi au vendredi, de 7h à 9h. Je trouve qu'on ne doit pas compliquer les choses. On ne doit pas parler de choses abstraites. Actualité, société, culture, chronique, entrevue, réflexion. Vous les avez connus? Il faut pas avoir peur de mélanger tout ça. Oui, c'est très beau, mais ce n'est pas du cinéma. Suzanne, Denis, Michel, Julie, Mario, Alexandre, Jean-Sébastien, Patrick, Yannick, Olivier, François. Ils sont une centaine sur nos ondes. Et cet été, ils vous attendent. Jusqu'à la fin août, votre station préférée se met aux couleurs de l'été. Une programmation différente, toujours aussi passionnante. Soyez au rendez-vous. Cet été, c'est à CKRL qui fait chaud. Vous écoutez CKRL 89, la radio culturelle à Québec. Touch Caroling, dance to escape now. Touch Caroling, dance to escape now. De retour à Web Musique, vous êtes toujours avec Simon Roy encore pour la prochaine demi-heure. Donc, tout juste avant la pause, on entendait des artistes sur l'excellente étiquette Astor Bell, une étiquette qui nous vient de Stockholm en Suède. Je vous la recommande, ils ont plein de musique électronique, pas expérimentale, mais d'un style nouveau. Ils se démarquent vraiment des autres étiquettes, ils ont des trucs vraiment intéressants. Donc, on entendait un artiste de Chicago qui s'appelle Bubble Shield. C'est lui qui a fondé l'étiquette Astor Bell. C'était sa pièce Speculation. Avant ça, on entendait First Dude, la pièce It's an Italian. Donc, First Dude qui est né en Angleterre, qui vit probablement à New York. Puis, on avait débuté ce bloc-là avec Joed Klim. C'est un artiste colombien. C'était sa pièce Rustic Swing. On entendait un peu de swing mélangé avec un peu de boom-boom. Donc, c'était sur l'étiquette Monophonicos, une étiquette qui nous vient de la Colombie. Pour poursuivre Web Music, je vous propose un groupe assez intéressant qui s'appelle Peterloo Massacre, un groupe de Manchester en Angleterre, qui donne un peu dans le trip-hop. Vous allez voir la chanteuse qui s'appelle Kin, vraiment une voix assez tordue. Je vous fais entendre leur pièce Follow the Lines. Puis ensuite de ça, on va entendre un artiste qui est sur l'étiquette beatismurdered.com net label. L'artiste s'appelle More, ou si vous préférez, Master of Ribonja. Je vous fais passer sa pièce I've Cheated. Puis c'est ça, donc c'est un artiste qui vient de signer en Australie. Puis ensuite de ça, on va entendre une pièce par The Good Natured. Donc c'est une jeune femme qui vient d'Angleterre, c'est sur l'étiquette Eardrums Pop, une étiquette qui vient de la Norvège. Je vous fais entendre sa pièce Rose. Je vous rappelle que vous pouvez m'appeler pendant les pièces si vous avez des questions. Vous pouvez me rejoindre au 418-640-1586. Donc, pour poursuivre Web Music, on débute tout de suite avec Peterloo Massacre. Thank you. spin until the day that you lay me in a cardboard box. I don't mind, they'll keep it cheap and cheerful. There's nothing else left on rotting on the Follow the light. pièce de The Good Nature, de la pièce Rose, The Good Nature, qui vient d'Angleterre. C'était sur l'excellente étiquette Eardrums Pop, une étiquette qui nous vient de la Norvège. Avant ça, un artiste australien qui s'appelle Moore, ou si vous préférez, Master of Ribondja. C'était sa pièce I've Cheated. C'est sur l'étiquette beatismurder.com net label. Puis on avait débuté tout de suite après la pause avec Peterloo Massacre, avec la belle voix de Kin, une voix tortueuse, la pièce Follow the Lines, c'est sur l'étiquette Edphonica. Donc Peterloo Massacre qui vient de la ville de Manchester en Angleterre. Pour poursuivre, ben, je vous propose une pièce quand même assez tordante. Il s'agit d'un mash-up hip-hop et... mélangé avec la musique de The Cure, la pièce Close to Me, vous allez voir, vous allez très bien la reconnaître. Certains puristes vont peut-être être fâchés, mais je trouve ça intéressant de mélanger les genres. Donc, le groupe s'appelle, ou plutôt l'artiste s'appelle Brain Trust, sa pièce s'appelle Close to This. C'est sur l'étiquette Just Plain Sound, une étiquette qui nous vient de la Virginie. Puis ensuite de ça, un autre mash-up, vous l'avez probablement déjà entendu sur Internet, ça a circulé largement. C'est Hank Andy qui a fait un mash-up de 40 pièces des Beatles. Ça tient dans à peu près 3 minutes et demie. La pièce s'appelle Beatles Mash-up Medley. Vous allez voir une quarantaine de pièces en aussi peu de temps des Beatles. Faut vraiment le faire. Donc, pour tout de suite, on entend Brain Trust, la pièce Close to This. So get closer, I don't give a fuck if you smell me, you can tell me. If I rock the mic and don't sell shit, we're salesmen, whether we get paid. And at the end of the day, we're still punching the same cards in the yards and watching the docs play in VA. Better yet, the RVA, I'm home of the fist, home of the river that you can pee in. Home of the people who don't mind when you're being but don't have game, or when you're too drunk to remember your best friend's name. But I remember Ben Way, left half of the brain like Fenway. Slugging at the green all day like Green Bay, man. We packing them in and clicking chins. Maybe even let a few of the guys in. Well, it depends. If they be trying to hog the mic and start fights, yo, they can't even touch us tonight. Yeah, you're never gonna get. Yeah, you're never gonna get. No, you're never gonna get close to this, even close to this. No, you're never gonna get. You're never gonna get. Even close to this. We rock the block from Boulevard to Belvedere, but we do our best work when we're deep inside your ear. So turn your stereo up if it's difficult to hear. The Brain Trust getting people off of their ears and steering them towards a little more togetherness. No haters allowed, so all the fans better just link up their hands and wave from side to side. Fuck your personal space, let the crowd be your guide. We're sisters and brothers, spitting on each other, sweating on each other, spilling beer on each other. Another night covered in I might pass out, but I'll remember it all. Cause I feel like I waited my whole life for this. To be here with you, spitting rhymes so sick. Anyone wants to hate, tell them suck my dick. Cause they won't ever get close to this. Vous avez reconnu les pièces des Beatles. Il s'agit d'un mash-up d'une quarantaine de pièces. Ça a été effectué par M. Hank Andy. Donc, la pièce s'appelle Beatles Mash-up Medley. Ça a circulé énormément sur Internet. Vous avez déjà probablement entendu ça. Donc, c'est toujours un plaisir de réentendre cette pièce-là. Avant ça, c'était l'artiste, plutôt le duo Brain Trust. Donc, leur pièce Close to This. C'est un mash-up hip-hop avec... la pièce des The Cure's Close to Me, que vous avez sûrement reconnu. C'était ça sur l'étiquette Just Plain Sound, une étiquette qui nous vient de la Virginie. Donc, c'est déjà tout pour Web Music. Je vais vous faire passer encore une autre pièce, mais avant ça, je vous rappelle que toutes les pièces que vous avez entendues à l'émission, c'est possible de les télécharger. Pour ça, rien de plus facile, vous vous rendez au www.webmusic.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Ou vous pouvez aussi passer par le site de CKRL qui est au www.ckrl.qc.ca. Vous allez dans la section programmation et dans la journée du dimanche, vous allez trouver un lien vers l'émission. Donc, c'est ça. Cette semaine, je vous invite à surtout pas manquer le Festival Off de Québec, un festival parallèle au Festival d'été. C'est du 15 au 18 juillet. Donc, si vous voulez avoir la programmation, je vous invite à vous rendre au www.quebecoff.org. Vous allez voir une programmation complètement pétée. Donc, je vous laisse avec la pièce de Dan Hendrix pour conclure Web Music. La pièce s'appelle Akira versus Konono. Donc, c'est un mash-up de la trame sonore de Akira et le groupe africain Konono qui fait de la musique avec des... un peu des rebuts, si on veut. Donc, un groupe assez intéressant. C'est sur l'étiquette Human Workshop. Donc, c'est ça. Passez une bonne nuit sur les ondes de CKRL. Ensuite de ça, ça va être le jour du Seigneur avec sa propagande jésusienne. Bonne nuit. I can't believe.